palle, j'ai la palle. Wow, wow, wow, wow. No time to sleep. Wow, wow, wow, wow. T'as un mal, t'es en pécho. J'prends de l'avance, pousse-toi. J'nettoie l'approche, me tue au spliff avant. Ça pue les cafés, ils disent bouge pas. Ils savent qu'il y a de la drogue pour le pif à vendre. Trop chaud, toujours des terrains. J'esquive les flics, les contrôles aux pommes de terre. Au soirée, je vais brûler Paris. J'évite les mecs qui disent bonjour pour de terre. J'ai mes lunettes, c'est cool. Homme du match, j'en ressors plein de séquelles. Tout le monde content quand l'élite, c'est cool. On va recompter en pleine semaine. Aïe, des sous cellophane dans une berline. 240, c'est pas délire. J'ai la clash avec ou sur la breakline. C'est pas toi que j'appellerai pour monter la toiture. Je suis dans une loque toute blanche foncée, y'a les cendres qui salissent la voiture. Boulette c'est pas Toyota, au final c'est la cité aux îles Canaries. Si je te drague c'est juste pour l'ocras, parce que je sais quand t'allonger que le bétail arrive. Je suis à l'aise en jogging, je coffre l'italien dans le placard. À skip y'a les decks en shooting. Trop tard je ressors déjà du BAFTA. Aïe, des sous cellophane dans une berline. 240 c'est un point délire. J'ai la